Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 78e émission, nous avons le plaisir d'accueillir Aïssar Midani. Aïssar, bonjour. Bonjour. Aïssar Midani, vous êtes franco-syrienne, présidente de la fondation Descendants d'Ashtar. Vous avez vécu principalement en France jusqu'au jour où a éclaté le conflit en Syrie, événement qui vous a décidé à rejoindre la Syrie pour y vivre, à Damas précisément. Vous connaissez la situation dans ce pays, vous avez publié sur internet plus d'une dizaine de rapports de situation, vous allez nous en dire plus, mais chers auditeurs, sachez que je me trouve accompagné de Xavier. Xavier, bonjour à toi. Bonjour à tous. Aïssar Midani, pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, dites-nous, qui êtes-vous ? Bonjour, alors je suis syrienne d'origine, franco-syrienne je peux dire. Je suis venue en France, j'ai fait des études de chimie, j'ai fait un doctorat de chimie. Par la suite, j'ai travaillé quelques années dans la chimie, puis j'ai repris le chemin de la fac à nouveau lorsque l'informatique a commencé à se faire une grande place dans la société. Donc, je suis retournée à l'université, refaire des études d'informatique. Et j'ai été donc très vite consultant en informatique dans les grands projets, dans les grandes entreprises comme Renault, Peugeot, France Télécom et aussi dans l'administration, dans l'automatisation de l'administration française, hein, donc les ministères, etc. J'étais directeur de projet, directeur de l'accompagnement du changement, de tous les projets d'accompagnement du changement. Donc, dans ces structures et dans les institutions françaises. Effectivement, je vis en France depuis très longtemps et j'ai... normalement, ma vie était en France et toujours, je crois, mais jusqu'au jour où cette agression contre la Syrie m'a interpellée et puis... les choses ont commencé en 2011. Je pensais que c'était une révolution, effectivement, ou je pensais que c'était même des réformes, parce que comme dans tous les pays, la Syrie a besoin aussi de réformes et de transformations de certaines institutions ou d'évolution de certaines institutions. Et donc, j'ai commencé à partir en Syrie un mois, tous les deux mois, pratiquement, pour savoir quelle est la vérité de ce que, où en est la vérité et le mensonge par rapport à tout ce qu'on entendait ici des médias et de ce que les gens sur place me disaient. Donc, pendant toute l'année 2011-2012, j'y allais un mois sur deux et je me suis rendu compte dès la première fois de la démesure totale entre la réalité et ce qui en est dit. Par exemple, le 1er en juin 2011, quand l'avion descendait à Damas, j'étais en pleurs parce que j'avais l'impression que Damas était complètement détruit, qu'il y aurait plein de morts, etc. Et puis les copains qui m'accueillaient à l'aéroport, ils m'ont dit « Mais écoute, il n'y a rien, on ne comprend pas pourquoi il y a tout ça. » Il n'y a vraiment rien. Si tu veux, on va aller manger dans un restaurant qui est sur la montagne Qasyoun qui surplombe la Damas. Et puis, tu verras de tes propres yeux qu'il n'y a rien du tout. Et en fait, effectivement, il n'y avait rien du tout. Et Damas vivait en toute quiétude et sérénité. Les restos étaient pleins, même les restos sur la montagne étaient pleins aussi, etc. Et une vie agréable, c'était au mois de juin, donc un temps magnifique, les odeurs des orangers et du jasmin surtout, qui humaient partout. Donc vraiment, j'étais très surprise et je leur disais, mais vous ne vous rendez pas compte, moi je m'attendais à voir tout Damas détruit, je m'attendais, c'est ce qu'on nous raconte dans les médias en France... etc. Et tout le monde se foutait un peu de moi. Ils m'ont dit, oui, effectivement, mais c'est virtuel, c'est une guerre virtuelle. Et puis demain, on va... Je suis arrivée assez tard, en fait. Et ils m'ont dit, demain, on va faire le tour de Damas. Dès le lendemain, effectivement, Al Jazeera qui tenait toujours et disait, il y a des manifestations par-ci, des manifestations par-là, le nombre de morts augmente, le nombre de ceci, de cela. À chaque fois où il disait qu'il y a une manifestation quelque part, on accourait pour voir, il n'y avait rien du tout. À chaque fois qu'il y avait un endroit où il disait, il y avait plein de morts, il y avait plein de rien du tout. Et là, je me suis rendu compte de la taille des mensonges qui sont racontés dans les médias et qui visent à attiser effectivement une haine de la population ou une haine contre ce pays, et contre l'État, contre tout le monde, et qui visait vraiment la Syrie. Alors, Aïssar Midani, pourquoi La question du pourquoi. Pourquoi ces mensonges médiatiques sur la situation en Syrie? Alors, en fait, je vais peut-être dire un petit peu quelle est la situation de la Syrie avant cette guerre horrible qui a été vraiment menée contre elle. La Syrie est un pays qui se trouve donc au sud de la Turquie, au nord de la Jordanie, à l'est, à l'ouest de l'Irak et à des frontières donc à l'est de la mer Méditerranée. Nous avons des longues côtes sur la Méditerranée qui encastrent. Il y a le Liban qui est aussi un peu encastré dans une partie de la Syrie. Nous avons aussi des frontières avec la Palestine occupée qui est appelée État d'Israël. Et voilà, donc ça c'est un peu le positionnement géographique. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un positionnement quand même qui est assez stratégique puisque c'est l'accès à la mer Méditerranée d'un côté, de toute l'Asie d'un côté en fait. L'accès à l'Asie, et la Syrie s'est toujours trouvée sur la route de la soie depuis des millénaires et depuis des millénaires... comment dire, Alexandre le Macédonien disait que de toute façon, pour dominer le monde, il faut dominer la Syrie. Donc c'est une position géostratégique, géographique importante. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, la Syrie est un pays qui résiste à quoi ? Qui résiste donc aux diktats américains, qui résiste aux diktats sionistes. C'est le seul pays de la des pays, enfin le seul, un des rares pays arabes qui n'a pas reconnu Israël, qui refuse la normalisation avec cet État, qui refuse l'état de fait de l'occupation de la Palestine, qui, d'un autre côté, a refusé le diktat américain, parce que refuse toujours le diktat américain et occidental. Qui a été tout à fait contre l'agression de l'Irak, qui est lié par un pacte très important avec de défense avec la résistance palestinienne, avec la résistance libanaise et avec l'Iran, et qui a accueilli aussi les Irakiens qui partaient de l'Irak en fuyant l'occupant américain. Donc, alors que en 93, déjà, Colin Powell est venu en Syrie. Il a demandé au président Assad, Bachar al-Assad, qui était déjà nouvellement arrivé au pouvoir, qui lui demandait de rompre les rapports avec la résistance libanaise et le Hezbollah, et avec la résistance palestinienne, et d'arrêter le soutien, de rompre toutes les relations avec l'Iran. Trois, ne pas accepter les chercheurs irakiens en Syrie et ne pas accepter les réfugiés scientifiques ni les réfugiés irakiens en Syrie. Il a exigé aussi que la Syrie accepte le fait de l'intervention américaine en Irak. Alors, bien entendu, ça a été, la réponse a été le refus total de tout ça. Donc, la Syrie a affirmé l'indépendance de sa décision et l'indépendance et puis la reconnaissance de la souveraineté de l'Irak aussi, puisque l'agression contre l'Irak, c'est une agression contre la souveraineté d'un pays indépendant. Et la Syrie a accueilli très largement et bras ouverts tous les réfugiés irakiens, pas comme des réfugiés, mais comme des Syriens. C'est-à-dire qu'ils ont été intégrés dans les écoles, ils ont été soignés dans les hôpitaux, ils ont eu un travail comme n'importe quel Syrien, etc. Et ça, bien sûr, c'est quelque chose qui n'était pas, qui n'a pas plu, sans doute, aux Américains. Deuxième point, donc tout de suite après, la Syrie a été sous embargo. Embargo technologique, embargo économique, donc depuis 93, depuis 2003, pardon. En fait, malgré cet embargo, la Syrie accusait un développement économique 6 à 7% par an, alors que tous les pays occidentaux, dans les années, la première décennie des années 2000, jusqu'à 2011 en fait, hein, se débattaient de crise économique en crise économique. La situation du chômage était catastrophique en Europe, alors qu'en Syrie, bon, les gens avaient un bon niveau et la Syrie se développait très correctement. En 2010, la Syrie avait aussi zéro dette, zéro centime de dette. Ça, c'est quelque chose de très important à noter. Ça veut dire qu'elle avait tous les moyens de son autonomie de décision et indépendance de décision politique. Il n'y avait pas de moyens de pression, puisque malgré l'embargo, la Syrie se développait. Et malgré l'embargo, la Syrie exportait des denrées, tout type de denrées, les médicaments, les câbles, des légumes, des céréales, des tissus, etc., à 51 pays différents. Donc, voilà, ça c'est une réalité et que les pays impérialistes n'aiment pas parce qu'ils veulent absolument avoir toujours les pays qui, avec une corde autour du cou, soit des prêts internationaux de la Banque internationale, ce qui permet d'imposer ou de dicter à ces pays leur politique à la fois intérieure et extérieure. Et ça permet aussi d'entraver leurs décisions et leur vote ou leur voix en matière de politique internationale. Comme ça, ils sont toujours obligés de se ranger du côté des pays occidentaux qui détiennent justement ces banques internationales. Et donc, voilà, ça correspond à des décisions internationales qui changent le rapport de force, y compris au niveau de l'ONU. Donc, voilà, ça c'est un petit peu la situation. En 2010, il y a eu 4 millions de touristes intellectuels en Syrie, parce que la Syrie a fait le choix d'un tourisme intelligent, un tourisme de culture, et pas du tout un tourisme de sea, sex and sun, comme c'est dans d'autres pays. C'est plutôt, au contraire, les visites de l'histoire de la Syrie. Là, je voudrais faire une parenthèse pour dire que la Syrie n'est pas un pays nouveau, c'est un pays qui a 10 000 ans d'histoire. En Syrie, il y avait le premier alphabet. La Syrie a donné au monde le premier alphabet, la première note de musique. Les femmes syriennes ont appris au monde l'agriculture, puisqu'on a trouvé sur une petite tablette dans la ville du Garit une phrase écrite en araméen, enfin en langue ancienne, « Casse ton épée et suis-moi pour planter des graines au centre de la terre, car la Syrie est le pays de et la Syrie est au centre de la Terre. Donc voilà, les femmes syriennes ont appelé les hommes à casser leurs épées et à tirer la richesse de la terre et à créer justement cette agriculture. La Syrie a été aussi à l'origine du premier traité politique dans le monde, qui ont été aussi trouvés sur des tablettes dans les villes de d'Ugarit et aussi de Mari, qui est à la frontière pratiquement irakienne. La Syrie historique, en fait, regroupait une partie de l'Irak, la Syrie actuelle, une partie de la Cilicie, en fait, du Turc, et puis plus la Jordanie, la Palestine et le Liban. C'était ça, la Syrie. Elle a été découpée par le traité, le tristement célèbre traité Sykes-Picot. C'est le baron Sykes, anglais, et Georges Picot, français, deux ministres des Affaires étrangères, des deux grands empires qui dominaient le monde au début du XXe siècle et qui ont voulu, soi-disant, partager les biens du grand malade qui était l'Empire ottoman à l'époque. Parce que la Syrie a été parmi les pays dominés par les Ottomans pendant 400 ans. Donc voilà, c'est un petit peu ces données historiques qu'il est important de considérer. Le traité de Sykes-Picot a partagé la Syrie entre deux zones d'influence, deux grandes zones d'influence, une zone d'influence française et une zone d'influence britannique. La zone d'influence française comprenait la Syrie et le Liban, et l'influence britannique comprenait toute une partie de l'Irak, du Golfe, et puis la Jordanie et l'Irak. Donc, paradoxalement, les endroits où il y a le pétrole. Bien sûr, les Britanniques ont laissé la place aux Américains, puisque de toute façon, ils coopèrent en tout. Et puis, dès la deuxième partie, je peux dire, ou même les 20 premières années du XXe siècle, hein, ben l'Empire américain a commencé à pointer, à prendre de l'ampleur et a commencé à pointer du nez. Coopération très forte avec les Britanniques qui, eux, font les dessins politiques et les plans politiques. Les Américains qui les exécutent et qui... Enfin, ils se partagent les rôles, à mon avis, et ils sont toujours de main dans la main dans les agressions contre les autres peuples. Voilà, donc tout ceci pour vous dire un peu, situer un petit peu l'ensemble géographique, politique, économique de la région. Et c'est vrai que la Syrie a été un pays qui a refusé l'agression contre l'Irak. L'Irak qui a été détruit par une agression américaine décidée par Bush sur des accusations complètement fausses. Vous vous rappelez l'histoire des armes à destruction massive, des armes chimiques, etc. Et jusqu'à présent, il y a eu des commissions qui ont été montées et qui ont fait des recherches, etc. Les rapports de ces décisions, de ces commissions, ont été mis dans des fûts en fonte, fermés, et fermé pour 60 ans à l'ONU. Et seul le responsable, le secrétaire général de l'ONU en a la clé. Et la promesse ou l'exigence de ne les ouvrir que dans 60 ans. Donc, en fait, après, nous avons entendu quand même de la bouche de Tony Blair lui-même, Tony Blair qui était le premier ministre britannique, au moment de l'agression contre l'Irak. Hein. Il a bien dit, on s'est trompé, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Mais enfin, bon, on a quand même bien fait d'attaquer l'Irak. 1,5 million de morts, un pays complètement dévasté, de grandes civilisations anciennes, Babylone, Sergoun, Nemrut, des grandes civilisations antiques de l'humanité, pas seulement de la région, ont été détruites. Le patrimoine culturel complètement dévasté, inexistant. Et depuis ce moment-là jusqu'à au jour d'aujourd'hui, tous les jours, des centaines de morts par des voitures piégées, par des attentats terroristes. Ils ont planté le terrorisme en Irak. Il n'y avait pas de terrorisme, mais ce sont les Américains qui l'ont planté. Donc voilà, c'est aujourd'hui, on se retrouve avec terrorisme en Irak, terrorisme en Syrie, toujours sous prétexte de démocratie et de liberté. Voilà, Xavier. D'autant que la République arabe syrienne répondait à tous les critères occidentaux, c'est-à-dire que Bachar el-Assad avait été formé à Londres, je crois qu'il est ophtalmologiste de profession, le droit des femmes est respecté, la liberté du commerce, enfin, tous les critères, tous les canons occidentaux étaient vraiment validés. Les deux choses dont vous nous expliquez qui dérangeaient, c'est sa position stratégique au cœur du croissant chiite et son refus de la dette. Enfin, moi, je ne parlerai pas de croissant chiite, parce que ça, c'est aussi une description ou un narratif qui est complètement occidental. Parce que l'Iran est un pays où il y a tout le monde. C'est vrai que c'est un pouvoir, disons, où la religion est prépondérante. Mais c'est un pouvoir qui respecte les autres religions. Il y a des juifs en Iran, il y a des sunnites, il y a des chiites, il y a des gens de toutes. Il y a des yézidites, il y a même des gens qui n'ont pas de religion, mais qui ont aussi la possibilité de pratiquer la vie qu'ils veulent. Donc ça, c'est un point qui est très très important aussi. C'est un pouvoir religieux, certes, mais qui ne persécute pas les autres, à l'image, par exemple, de l'Arabie saoudite. Donc vous réfutez cette idée qu'on entend souvent d'une guerre sunnite-chiite. Absolument. Ce concept de guerre sunnite-chiite est une volonté. Et c'est la volonté, effectivement, des Américains, mais surtout des sionistes, hein. Qui occupent la Palestine parce qu'ils veulent par l'établissement d'une logique dans la région faire reconnaître la judaïté de l'État d'Israël. Et depuis 10 ans, on assiste effectivement à cet objectif d'Israël qui est devenu très important, la judaïté de l'État d'Israël. La judaïté, pourquoi ? Parce qu'ils veulent expulser tous les Palestiniens et ils veulent expulser tous les non-juifs, en fait. Donc ça, c'est un point important. Et l'Arabie saoudite, qui est un pouvoir autocratique, islamiste, wahhabite, en fait. Ça, c'est important à distinguer de l'islam en général, parce que c'est une secte de l'islam qui est une secte utilisée vraiment pour tuer tous les autres. Je ne dis pas que ça n'est pas arrivé dans l'histoire de l'islam, c'est arrivé. Mais c'est une secte qui a été largement abolie. Et puis, l'islam, je peux dire, modéré, logique, qui se réfère au Coran, qui est rationnel, etc., avait pris la place dans tous les autres pays, notamment en Syrie. Et aussi, une des raisons qui fait que l'Arabie saoudite cherche à reprendre ce flambeau de la fitna, en fait, de créer une guerre confessionnelle sunnite, chiite, etc. C'est quelque chose qui a été actionné par les Américains, qui ont un lien avec l'Arabie saoudite, qui n'est pas un lien, mais c'est un lien de maître à esclave, je peux dire. Les Saoudiens sont esclaves des États-Unis, puisqu'ils ont été créés par les Britanniques et par les Américains. Ils ont un traité de défense, c'est-à-dire que les Américains offrent la protection de la famille Saoud contre des contrats et contre des pratiques complètement non souveraines, je peux dire, contre le fait que d'abord l'Arabie saoudite donne toutes ses richesses en pétrole en dessous du prix pratiqué mondialement, qu'ils se soumettent complètement en fait à la politique américaine et qu'ils fassent ce que les Américains leur demandent contre la protection de cette famille qui reste au pouvoir. Donc, d'où aujourd'hui, on voit, depuis 10 ans, les Saoudiens qui achètent pour des milliards de dollars des armes aux Américains, et qui, avant, ils les jetaient dans la mer, et maintenant, ils les utilisent pour créer pour armer les terroristes dans le monde. Alors, je reviens à un point, parce que tout est lié, l'Afghanistan. L'Afghanistan avait un gouvernement qui était proche de l'Union soviétique, un gouvernement progressiste, laïque, etc. Et en fait, l'Arabie saoudite a été dépêchée, justement, pour recruter des gens, les recruter, les entraîner, les armer, etc. C'est eux qui ont créé le terrorisme, Ben Laden, Al-Qaïda, etc. Ils avaient créé Al-Qaïda à ce moment-là. Et donc, sur ordre des Américains, qui ont été dépêchés, et les talibans, qui ont été dépêchés en Afghanistan contre l'État communiste qui était proche de l'Union soviétique. Et depuis ce moment-là, c'est le terrorisme. L'Afghanistan a été transformé en terre labourée, alors que c'était un pays qui abritait une civilisation absolument aussi millénaire et où il faisait bon vivre, qui avait aussi énormément de trucs archéologiques, des civilisations passé, etc. Et ben aujourd'hui, l'Afghanistan est un pays qui est infesté de terroristes, où c'est de la terre battue, il n'y a plus rien, où les femmes et les hommes sont exécutés sur la place publique, des têtes coupées, des horreurs, les enfants violés, tout le monde est envoyé dans les circuits de trafic des hommes, des femmes, des enfants. Les trafics d'enfants sont absolument terribles. Les réseaux de prostitution des femmes et des enfants aussi sont terribles et c'est partout. Et de drogue. Et de drogue, absolument. Donc, en fait, et de trafic d'organes, sans parler des trafics d'organes. Donc, tout ceci sert à créer des richesses dans les pays impérialistes, hein, avec le malheur des gens. C'est exactement la même logique qui a été appliquée en Irak et aujourd'hui en Syrie. Alors, justement, pour revenir sur la Syrie, il y a un mensonge, enfin, il y a une affirmation concernant le gouvernement syrien qu'on entend partout dans les médias, tout le temps. Permanence, c'est Bachar al-Assad est un dictateur. Il tue son peuple. En plus, il tue son peuple et en plus c'est un dictateur. Alep, c'est Guernica. Qu'est-ce que vous répondez précisément sur cette affirmation? Bachar al-Assad est un dictateur. Alors, Bachar al-Assad n'est pas un dictateur. Il a été quand même élu 2 fois par le peuple. Ça, c'est un premier point. Dictateur, c'est une image, c'est une manière de diaboliser les gens. C'est aussi, moi je préfère plutôt dire ce qui est en Syrie, en fait, au niveau des droits déjà. En Syrie, il y a un front de 7 partis politiques qui gouvernent avec le parti Baas qui est à leur tête. Hein. Alors le parti Baas est un parti qui est à la fois nationaliste mais aussi à la fois socialiste. Donc la partie économique, elle est vraiment très similaire et je peux dire très semblable à la partie au pays d'obédience socialiste communiste, c'est-à-dire que il y a l'État, c'est l'État providence, je peux dire. L'État prend en compte, alors vous avez l'enseignement est gratuit, la santé est gratuite, on va à l'hôpital, on ne vous demande même pas votre carte d'identité, vous sortez avec le traitement et vos médicaments sans qu'on vous demande rien. L'État syrien s'est beaucoup occupé de la santé du peuple. Il s'est beaucoup occupé aussi de l'instruction parce qu'en 2010, on a commencé à être à 0% d'analphabétisme. C'était la première année où il y avait plus, l'analphabétisme était complètement enrayé, où aussi la pauvreté était complètement enrayée. Et là, je reviendrai sur l'histoire de la pauvreté des critères des pays occidentaux et de l'ONU. Donc tout le monde a son toit, tout le monde mange à sa faim, le kilo de pain coûte 3 centimes d'euros dans ce pays. Il y a cette denrée qui était systématiquement subventionnée, c'est le pain, le riz, le thé, le sucre, le fioul, le mazout en fait. Et aussi, il y a encore une denrée qui est subventionnée. En tout cas, ce sont les denrées de base mais qui sont subventionnées complètement. C'est-à-dire que même si ça coûte plus cher à la production, l'État maintient le prix bas pour que le citoyen puisse y accéder facilement, qu'elle soit à sa portée. Alors donc, effectivement, c'est un État... Alors les gens qui sont... il n'y a personne qui est sans logement en Syrie. Et là, vraiment force est de comparer à un État qui est en pleine richesse comme la France. Quand on voit le nombre de SDF et de gens qui dorment dans la rue, par rapport à cette prospérité, entre guillemets, qui est tellement louée en France et dans la littérature française et des pays occidentaux, je peux dire que la Syrie était, en tout cas en 2010, il faisait bien mieux vivre en Syrie qu'en France. Mais alors comment expliquer ces flots, soi-disant, de Syriens qui partent de Syrie pour venir en France ? Ben ça, c'était à cause du terrorisme, parce que n'oubliez pas quand même qu'en 2011, il y avait, et ça, ce n'est pas seulement moi qui le dis, moi je l'ai vu, mais c'est y compris les services de renseignement allemands qui ont fait état de 360 000 terroristes qui ont été dépêchés en Syrie venant de 130 pays différents, voilà, alors là, dont des pays occidentaux, européens, etc., qui ont été armés, dirigés par des services secrets, par des tables d'opérations qui se trouvaient aussi bien en Jordanie, donc à Amman, et dans les frontières turques, sur les frontières turques. Ça, c'est essentiel parce que là, vous cassez le mythe d'une guerre civile. Absolument. Ce n'est pas une guerre civile, c'est une guerre d'agression contre la Syrie. Alors, est-ce qu'à ce propos, on peut peut-être diffuser les explications de Roland Dumas, ancien ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand, à propos des origines du conflit en Syrie? Chers auditeurs, on écoute Roland Dumas. Moi, je vais vous dire quelque chose. J'étais il y a 2 ans à peu près, avant que les hostilités commencent en Syrie. Je me trouvais en Angleterre, par exemple, pour d'autres choses, pas du tout de la Syrie. J'ai rencontré des responsables anglais. Et quelques-uns qui sont mes amis m'ont avoué, en me sollicitant, qu'il se préparait quelque chose en Syrie. C'était en Angleterre et pas en Amérique. L'Angleterre préparait l'invasion des rebelles en Syrie. Et on m'a même demandé à moi, sous le prétexte que j'étais ancien ministre des Affaires étrangères, si je participerais comme ça. J'ai évidemment dit le contraire. J'ai dit, écoutez, moi, je suis français, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est pour dire que cette opération vient de très loin. Elle a été préparée, conçue, organisée. Dans quel but ? Hein ? Excusez-moi, dans quel but ? L'idée de le renverser dans Bachar, c'était quoi le but, vous dire, la finalité mais dans le but très simple, mais le but très simple, de destituer le gouvernement syrien, parce que dans la région, il est important de savoir que ce régime syrien a des propos anti-israéliens. Et que par conséquent, tout ce qui bouge dans la région autour, moi j'ai la confidence du premier ministre israélien qui remonte très longtemps, qui m'avait dit... On essaiera de s'entendre avec le premier ministre, avec les États autour. Et ceux qui ne s'entendront pas, on les abattra. C'est une politique, c'est une conception de l'histoire. Pourquoi pas, après tout ? Mais il faut le savoir. Et à ce moment-là, Nicolas Sarkozy reçoit encore Bachar el-Assad pour le défilé du 14 juillet. C'est en 2008 ou 2010, il me semble. 2010, oui. 2010, un an avant le début de l'agression. Effectivement. Alors, ce que je voudrais vous dire... Là-dessus, c'est que pendant toutes ces années, il y a eu, enfin l'année depuis l'arrivée de Bachar el-Assad au pouvoir, c'est-à-dire depuis le décès de son père en 2000, et son arrivée au pouvoir, Chirac est allé le voir en lui disant « Le gaz syrien est pour Total ». Ce à quoi le président Assad a répondu, ben, « La France présentera une offre, comme tout le monde, et puis on verra. Suite à ça, effectivement, la France n'a pas été choisie parce que son offre était trop chère et il y avait très peu de bénéfices pour la Syrie, très peu d'avantages pour la Syrie. Donc, Chirac était fou, furieux. Ceci est dit, d'ailleurs, et répété dans dans le livre de Les chemins de Damas qui a été fait par Georges Malbruno et Christian Cheneau. Et dans pas mal de livres aussi. Donc, ce n'est pas du tout... ça a été bien répété. Là-dessus, il est devenu anti-Bachar à 100% et il voulait absolument... C'est le relan du colonialisme qui revient en force, en fait, au niveau de la France et au niveau des dirigeants français. Je tiens à dire là qu'il y a quand même des découvertes récentes. Elles ne sont pas si récentes que ça, mais elles sont devenues publiques récemment, sur la présence de quantités très importantes de gisements de gaz en Syrie. Comme par hasard, c'est sous la ville de Homs et de Bab Amr, exactement. Donc, ça vous montre aussi l'intérêt du... Et il y a des puits, des gisements de pétrole qui sont très importants tout le long du littoral syrien. Et donc, une première plaque le long du littoral syrien, une deuxième plaque qui est un petit peu vers l'intérieur, et une troisième plaque qui est commune avec Chypre. Donc, vous voyez aussi toutes les pressions contre Chypre, le fait de l'avoir embrigadé dans les prêts du FMI. Et puis imposant une politique à Chypre qui est peut-être contraire à leur souveraineté nationale, mais qui vise justement à l'exploitation de ces parce qu'ils ont une richesse, donc il faut les enfoncer dans des prêts par-dessus la tête, comme ça ils sont sous tutelle et puis on exploite leur pétrole. Donc en fait tout ceci c'est lié à ça, c'est lié aussi au fait que le Qatar voulait faire passer à travers la Syrie des tuyaux de gaz qui vont jusqu'à la Méditerranée pour alimenter l'Europe. Pour faire concurrence à la Russie. Oui, donc, alors gaz... effectivement, c'est le gaz qatari faisait de fait, parce que le, l'objectif, c'est l'Europe, en fait. Mm-hmm. Et l'Europe n'a rien, donc elle est toujours consommateur, je peux dire, de gaz et acheteur de gaz, aussi bien du Qatar que de la Russie, que des autres pays. Mais c'est vrai que ce, ces tuyaux de gaz qui partaient de Qatar à travers la Syrie faisaient obstruction au passage du gaz iranien. Mmh. En fait, à travers la Syrie, pour la vers la Méditerranée. Donc, et puis la Russie, elle veut passer ses tubes de gaz à travers la Turquie, en fait. Et donc, c'est, il y a un conflit d'intérêts. Donc, en fait, lorsque Qatar a demandé, a exigé de la Syrie, en fait, ça, bon, ben non, la Syrie était liée par des relations beaucoup plus vieille et beaucoup plus forte avec l'Iran. Et donc, la Syrie a refusé ce passage des tuyaux gazoduc. De gaz, du gazoduc qatari. Donc, voilà. Et en 2011, il me semble que Bachar al-Assad choisit le projet iranien de gazoduc. Absolument, absolument. C'est l'année du choix de Bachar. C'est l'année du choix, effectivement. Et l'année aussi, en 2012, il y a eu un contrat avec Gazprom russe pour l'exploitation du pétrole syrien et du gaz syrien, etc. Donc, en fait, il y a une combinaison de faits qui sont des faits, effectivement, économiques, essentiellement. Et c'est toujours, comme dit notre ami Michel Collomb, on va toujours dans un autre pays pour pomper ses richesses et pour des raisons économiques, mais ça ne fait pas très bien de dire on va piller les richesses de ce pays, on va dire on va porter la démocratie, on va porter la civilisation, on va porter la liberté, et on diabolise les responsables du pays et on les transforme en dictateurs. Et on les de la même manière, d'ailleurs, je peux faire une petite diversion vers le Venezuela. Chavez était le dictateur, et aujourd'hui Maduro est dictateur au Venezuela parce qu'il refuse effectivement que les Américains exploitent le pétrole vénézuélien à ses propres profits. C'est exactement ça. À la différence près, c'est qu'au Venezuela, l'étranglement économique par l'Empire fonctionne mieux qu'en Syrie. Tout à fait, parce qu'ils sont plus isolés dans cette partie de parce qu'ils sont quand même sur le continent américain. Et une économie moins diversifiée, donc plus fragile. Et l'économie est moins diversifiée, plus fragile, et c'est un pays qui est beaucoup plus étendu. La pauvreté est beaucoup plus importante, en fait. Alors, ce que je voudrais, c'est revenir, entre parenthèses quand même, à cette définition de la pauvreté. Vous avez vu plein de rapports qui disent 50% des Syriens vivent en dessous du seuil de pauvreté, etc. Le seuil de pauvreté, il est défini selon les rapports de l'ONU à un revenu de 3 dollars par jour. Alors, il y a déjà l'écart entre le change, parce que 1 dollar, c'était, avant la guerre, 1 dollar, c'était 50 livres syriennes. Et donc, ça faisait beaucoup d'argent. 150 livres syriennes, c'était pas le revenu peut-être de beaucoup de gens. Mais en fait, les gens, quand on a son toit, quand on a le pain pour 3 centimes de dollars, quand on a l'enseignement gratuit, l'école gratuite, la santé gratuite, l'école non seulement gratuite, enfin, pas seulement l'enseignement, mais aussi les livres, hein. L'école fournit toutes les fournitures scolaires, le livre, etc. Et les denrées essentielles sont des denrées qui sont à 3 centimes de dollars ou à 3 cents ou à 4 cents, etc. Bien sûr, on n'a pas besoin de 3 dollars. Et le revenu, effectivement, est en dessous de 3 dollars. Et donc, ça, c'est cette définition qui sont truquées, qui sont statistiques mondiales, etc., ne montre pas du tout la réalité. La réalité, c'est qu'en 2010, tout le monde avait son logement. Les gens mangeaient à leur faim. Il n'y avait pas de famine en Syrie. Il n'y avait pas de gens qui ont faim. Peut-être qu'ils ne sont pas habillés à la mode, effectivement. Ça, c'est un truc, mais tout le monde est habillé correctement. Et l'essentiel, c'est que les paysans syriens arrivaient à produire et à exporter, en fait. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu quelques années de sécheresse, puisque la Syrie, elle compte aussi sur les pluies, pour la, essentiellement pour la production de céréales. Ajouté au fait que la Turquie avait construit nombreux barrages sur l'Euphrate, ce qui a diminué la portée des eaux de l'Euphrate qui servent à l'agriculture. Tout ceci a fait qu'il y a eu, effectivement, surtout dans le nord-est de la Syrie, donc dans la zone de Hasakeh, etc., beaucoup de travailleurs saisonniers dans l'agriculture qui se retrouvaient sans travail et qui sont allés renforcer ou renflouer, je peux dire, les bidonvilles autour des villes de Alep, Latakia et Damas. Voilà. Donc, c'était ces travailleurs-là qui étaient vraiment sinistrés à cause de la sécheresse dans les trois dernières années, apparemment. Mais qui étaient quand même très subventionnés par l'État. L'État dictatorial qui tue son peuple. Alors, Aïssa, je voulais vous faire réagir sur ce rapport de la direction du renseignement militaire américain qui avait été publié il y a quelques années, où il est expliqué que si Bachar al-Assad ne tombait pas, les Américains auraient recours à la création d'une principauté salafiste à l'est de la Syrie. Et c'est ce qu'on a vu finalement apparaître à partir de 2014 avec Daesh. Vous qui avez été sur le terrain, est-ce que vous avez pu constater que Daesh était véritablement une internationale? Je n'ai pas été confrontée à Daesh, fort heureusement. Ça, c'est un premier point. Mais des remontées du terrain. Deuxième point, c'est vrai que la vérité des choses sur le terrain, les massacres ont été catastrophiques, vraiment. Quand je pense au début, déjà, c'était ils opéraient par des massacres de masse et qu'ils mettaient ça sur le dos de l'État syrien. Alors, et le massacre, d'ailleurs, il n'y a même pas besoin maintenant de dire j'ai été confronté ou pas, puisqu'ils mettaient sur YouTube leurs propres vidéos. Les vidéos où ils massacraient les gens, où ils brûlaient vifs les gens, où ils ont passé des gens à la moulinette, mais la moulinette, c'était la grosse machine de concassage des roches à ciment. Ah oui, c'était horrible. Il y a eu des choses absolument horribles qui sont arrivées et qui ne pouvaient pas être faites par des êtres humains, par des monstres, vraiment. La question, tout le monde se posait la question, comment ça se fait? D'abord, il y a eu une diffusion importante d'une drogue qui s'appelle le Keptagone. Keptagone, c'est une drogue qui ne coûte pas cher, qui crée très vite des lésions dans le cerveau et qui crée très vite une addiction dans les 24 heures. Et tous ces gars étaient complètement drogués. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il y avait des gens, effectivement, de tous les pays, de beaucoup de pays étrangers, mais aussi beaucoup de gens qui venaient d'Afghanistan, du Bangladesh, les Ouïghours du Chine, des Tchétchènes essentiellement, beaucoup de Tchétchènes, beaucoup de Libyens, beaucoup de Saoudiens, des gens des pays du Golfe, des gens surtout des Azerbaïdjanais, etc., des gens qui sont du Turkestan, du Kurdistan, de partout. Là-dessus, un rapport des services de renseignement allemands, en fait, il y a un premier rapport qui est sorti déjà dès 2012 et puis qui a été confirmé en 2015. Un autre rapport qui a confirmé ces données. Et il y avait plus de 130 nationalités différentes. Bon, plus quand même les gens qui ont été tués, parce qu'on voit quand même, l'État syrien voit ceux qui ont été tués par l'armée syrienne dans son offensive contre les terroristes et pour défendre les gens du pays. Des nationalités, toutes des nationalités différentes venant de tous les pays. Donc ça confirme vraiment que ça a été une internationale, comme vous dites, une internationale terroriste qui a été dépêchée en Syrie. Avec quel argent et par quelles frontières ? Alors l'argent, c'est toujours l'argent de l'Arabie Saoudite et du Qatar, utilisé par les pays occidentaux et par... et les États-Unis, donc achetés pour lesquels ils achètent les armes les plus récentes et les plus modernes sur le plan militaire, hein, les plus efficaces. Ils sont conseillés par... Il y avait des véritables tables d'opérations à Adana, en Turquie, donc à la frontière syrienne. Les premiers temps, donc, ils ont poussé par des massacres, ils ont poussé les gens à partir. Donc là, je réponds à votre question sur le réfugié. Ils ont poussé les gens à partir en leur disant de toute façon, l'État va vous tuer, etc. Ou c'est nous, ou c'est l'État. Donc, ils les ont poussés à partir. Là-dessus, dans les pays frontières. Donc, les pays frontières, d'abord, c'est la Turquie. La Turquie avait planté des tentes dès février 2011, donc 2 mois avant qu'il n'y ait quoi que ce soit en Syrie. Il y avait des tentes et les gens demandaient « Qui sont ces tentes ?» C'est pour les réfugiés syriens. Ah bon ? Bizarre. D'ailleurs, dans d'autres pays, il y avait aussi même des immeubles qui se faisaient construire, etc. Pour qui ? C'est pour les réfugiés syriens. Au Liban, c'était pareil. En Jordanie, c'était pareil. Donc, les Syriens ont été poussés à partir par la peur. Ils ont été poussés de manière obligée aussi par les terroristes à partir hors les frontières. Dans ces camps de réfugiés sont devenus de véritables camps de recrutement des terroristes, un vivier pour le recrutement forcé. C'est-à-dire, ils prenaient tous les gars, tous les garçons, les garçons à partir de 15 ans et tous les hommes. Ils les recrutaient de façon forcée aussi pour les organisations terroristes, hein, et les obligeaient à se battre, les obligeaient aussi à creuser des tunnels. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont été utilisées pour les tâches difficiles aussi comme ça. Et quand ils les utilisent pour les tâches militaires, ils les mettent au devant de la scène pour que ce soit eux les premiers tués. Donc, et ceux qui donnent les ordres derrière sont toujours les étrangers. C'est d'ailleurs pour ça que ça a favorisé très rapidement aussi le mouvement de reddition ou de retour dans le sein de la patrie pour pas mal de combattants, et ce qui fait parmi eux là pas mal de ces terroristes qui essayaient de fuir et rejoindre le camp de les lieux qui sont sous contrôle de l'État syrien en disant on veut revenir à une vie normale, etc. Mais en fait eux ils leur tiraient dessus. Les terroristes les empêchaient, leur tiraient dessus et ont augmenté la dose de propagande qui leur faisait peur de l'État syrien en leur disant toujours « Vous allez être arrêtés, vous allez être torturés, vous allez être dans les prisons d'Assad, etc. On ne va pas vous amnistier. » Jusqu'au jour où il y a eu, effectivement, à partir de 2013, des lois d'amnistie, en fait, pour ces gens. et en 2014 a commencé les amnisties pour tous ceux qui reviennent, rejoignent le camp de la patrie et ceux qui se repentent, entre guillemets. Donc, en fait, là, je peux dire aujourd'hui, le nombre de ces personnes augmente énormément. Parmi eux, nombreux sont ceux qui rejoignent l'armée syrienne, ce qui a aussi augmenté l'efficacité de l'armée syrienne, puisque ce sont des gens qui savent où se trouvent les dépôts d'armes, où se trouvent les tunnels qu'ils ont creusés, où se trouvent les... Donc, ils donnent vraiment des renseignements efficaces à l'armée. Et ils ont été amnistiés et ils récupèrent toute leur vie normale, quoi. Donc, et ça déplaît aussi beaucoup. En fait, on voit que il y a de temps en temps donc un regain de la violence contre la Syrie, un regain de la violence à la fois médiatique, mais aussi un regain de la violence sur le terrain, parce que c'est vrai que personne et les gens qui agressent la Syrie et qui veulent que la Syrie disparaisse, l'État syrien disparaisse et que la Syrie soit fractionnée, ils sont très mécontents de ces réconciliations. Et surtout de ces retours des gens chez eux, etc. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsqu'il y a eu la libération d'Alep, on a agité tout un tas d'instances et puis une véritable tempête médiatique contre, soi-disant, le dictateur qui tue son peuple à Alep-Est. Et on a agité donc cette campagne médiatique d'abord pour des raisons soi-disant humanitaires. Et puis, ça n'a pas marché puisqu'il y a eu une réunion du Conseil de sécurité dans laquelle ils ont voulu absolument qu'il y ait une intervention sous l'article 7, une intervention militaire en Syrie, soi-disant pour sauver la population du dictateur qui la tue. Et puis, deuxième, après, il y a eu une assemblée générale de l'ONU dans laquelle ils ont parlé aussi de la Syrie. Ils ont cherché à avoir... Et en dernier lieu, Israël, la France et l'Angleterre qui ont aussi essayé de réunir aussi un conseil de sécurité sous prétexte que la Syrie, que Bachar el-Assad a utilisé l'arme chimique contre son peuple, déjà à Alep, déjà. Donc, pour Alep en fin 2016, et sans parler de toute l'histoire du chimique en 2013, qu'ils ont aussi agité, qui n'avait absolument aucun fondement réel et qui... Donc, tout ceci pour cacher le fait que, effectivement, la population est prise en otage et comme bouclier humain par les terroristes, parce que sinon, ils pourraient être bombardés. Et justement, ce qui retardait le bombardement, c'est la présence d'un tas de civils autour d'eux. Et eux, ils gardaient les civils, ils les maltraitaient, ils les affamaient, etc. Mais lorsque Alep Est a été libéré, on a trouvé, en fait, dans les tunnels, des caches d'armes qui permettaient de mener une guerre incroyable pendant 10 ans. Et des quantités d'alimentation, des quantités de nourriture, de médicaments qui permettaient aussi de tenir pendant au moins 1 an ou 2 pour 150 000 personnes. Donc, c'était pas n'importe quoi. Plus des hôpitaux souterrains qui étaient super équipés. Une vraie logistique. Une vraie logistique. Donc, tout ceci permet de dire que ce ne sont pas des petites gangs qui mènent une petite guéguerre, qui s'amusent à ça contre leur État, etc. Mais c'est plutôt une véritable logistique, table d'opération et une véritable guerre qui est menée contre la Syrie. Alors, pour conclure, une dernière question. Comment voyez-vous l'avenir de ce conflit et de la Syrie en général, au vu des derniers développements internationaux, je pense à l'élection de Donald Trump, pourquoi pas celle d'Emmanuel Macron, ou encore le rapprochement russo-turc. Écoutez, je pense que d'abord, ce qui détermine, en fait, ce qui a déterminé pendant ces cinq années, ou sept, six et la septième année commence, ce qui est déterminant, c'est le terrain, c'est la résistance du peuple syrien, c'est la résistance de l'armée syrienne, et ce sont toutes les alliances que l'État syrien a pu sceller avec de véritables amis, pour soutenir son action sur le terrain aussi. La Russie, c'est ça, et l'Iran principalement. Principalement l'Iran. La Russie aussi a commencé, l'Iran et la résistance libanaise qui interviennent depuis le début. Et la Russie qui a commencé à intervenir à la demande de l'État syrien et en coordination avec l'armée syrienne dès octobre 2015. Donc c'est récent, c'est relativement récent, mais c'est vrai que son intervention a permis un saut qualitatif, puisque c'est avec les satellites et ses moyens très, très évolués, ils ont pu bombarder toutes les sources d'approvisionnement de Daesh, on peut dire, et surtout les sources financières, parce que Daesh volait le pétrole syrien et irakien. Il y avait des caravanes entières de citernes qui partaient en Turquie et qui étaient achetées par le fils d'Erdogan en Turquie, revendues en partie à Israël et au monde pour des tarifs absolument dérisoires, mais eux, ils se faisaient un argent fou qui permettait d'alimenter donc leur guerre. Ça, c'est un premier point qui est très, très important. En plus, effectivement, le fait que les Russes interviennent, ça a permis quand même un saut qualitatif aussi de l'intervention de l'armée syrienne sur le terrain, puisqu'elle était protégée par l'aviation russe. Ça, c'est quelque chose de réel. C'est ça qui a libéré Alep. Alors, la libération d'Alep a joué effectivement un point d'inflexion important et un saut qualitatif dans la victoire syrienne et dans la victoire du peuple syrien. Et je peux dire, c'est surtout dans l'échec du plan de partitionnement de la Syrie, parce que la Turquie avait des grandes visées sur Alep. Et là, ces visées sur Alep ont été enterrées par cette victoire de la libération d'Alep. Donc, qui a eu lieu en décembre 2016. Je peux dire aussi là-dessus, ce qui est déterminant, donc, c'est la situation sur le terrain qui continue. Alors, il y a l'axe militaire, mais il y a aussi l'élargissement de toutes ces réconciliations qui font aujourd'hui tache d'huile et qui ont été aussi faites par un jeu important et intéressant entre la diplomatie, la politique et aussi la coercition, mais aussi par une permissivité de l'État syrien qui a mis en avant une loi d'amnistie pour tous ceux qui reprennent le chemin de la patrie. Là-dessus, je crois que c'est une grande première dans l'histoire dans un pays en guerre, comme ça, la réconciliation a lieu en même temps que la guerre, en fait. Donc ça, c'est aussi un point très important au niveau du terrain et qui est déterminant. Donc je peux dire que tous ces éléments jouent d'un côté. De l'autre côté, tous ceux qui voulaient partitionner la Syrie, qui avaient des velléités coloniales de retour, comme la France d'ailleurs, qui a des velléités coloniales évidentes de retour en Syrie, qui le disent, ils ne le cachent pas d'ailleurs. Donc tout ceci tombe de lui-même Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne continuent pas à faire des plans sur la comète. Ça veut dire que aussi ils sont en train de... je tiens quand même à dire qu'ici en France, l'État français joue énormément avec ceux qu'il appelle l'opposition syrienne, qui ne sont rien d'autre que des gens qui ont trahi leur pays et qui se... en partie, donc les gens qui vont d'hôtel 5 étoiles en hôtel 5 étoiles et qui se baladent et qui disent, etc., ce sont des gens qui ont trahi leur patrie. Et sur le terrain, ce sont les terroristes qui sont alimentés à la fois par la France et qui sont alimentés par tous les pays européens, mais la France, les États-Unis, avec l'argent saoudien et qatari d'ailleurs, pas l'argent français. Mais qui alimentent les universités, les académies, etc., malheureusement, qui sont en train de leur faire une propagande soi-disant pensée et écrite. Donc vous êtes malgré tout, on vous sent optimiste sur une sortie du conflit et d'une victoire de la République syrienne. Tout à fait, tout à fait. Je suis pas seulement optimiste, je suis sûr que c'est ce qui va arriver. Parce que d'une part, on y travaille tous. En fait, tout le monde y travaille d'un côté. De l'autre côté, la réalité du terrain et l'évolution de la réalité du terrain le montrent. Mais aussi l'évolution de la situation internationale. Je peux dire quand même que cette guerre contre la Syrie a changé aussi la face du monde. C'est qu'avant la Syrie, on était dans une situation monopolaire où c'était les Américains qui dominaient le monde et qui voulaient contrôler toute la vie politique du monde, et que la résistance du peuple syrien et de l'État syrien et de son armée, de l'armée syrienne, donc on fait qu'il y a d'autres grandes forces et grands États qui ont émergé et grands pôles qui ont émergé, notamment tous les pays du BRICS en fait, donc le Brésil, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, la Russie qui est devenue dans ce processus de défense, je peux dire, ou d'exigence en fait de l'application de la charte de l'ONU, est aussi devenu un grand pays qui agit sur la situation mondiale. La Chine a, en fait, il faut dire quand même que la Chine, c'est la première fois qu'elle utilise son droit de veto à l'ONU et au Conseil de sécurité, et 5 fois qui ont été utilisés les vetos chinois et russes. Donc c'est à propos de la question syrienne. Donc tout ceci, c'est en fait, on est aujourd'hui dans un pays, dans un monde multipolaire qui est en développement, en gestation, je peux dire, et qui émerge. Donc la situation après la Syrie n'est pas du tout comme la situation avant la Syrie. Et c'est ça qui me rend optimiste, effectivement, parce que il y a, face à cette volonté toujours de domination, de destruction, ben, il y a d'autres forces qui se dressent, pas seulement une, mais plusieurs, donc qui permettent de jouer sur ces équilibres et qui permettent de changer peut-être la face aussi même de la politique mondiale. Aïs Armidani, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, une émission très claire. Moi, je suis resté là à vous écouter avec beaucoup d'intérêt. C'était passionnant. Merci. Oui. C'est moi qui vous remercie. Alors, comment les auditeurs peuvent-ils faire pour vous retrouver ? Est-ce que vous avez un blog ? Est-ce que vous avez un site internet ? Alors, en fait, il y a pas mal de conférences qui sont sur YouTube, effectivement. Ils peuvent taper mon nom tout simplement sur YouTube, AY2SAR, plus loin Midani, MIDANI. Et ils auront toutes les conférences. Il y a eu pas mal d'interviews aussi à la télé, en français, en anglais, en arabe, etc. Donc on peut retrouver comme ça. Malheureusement, je n'ai pas de blog, mais peut-être que c'est quelque chose à faire. Merci beaucoup. Et Xavier, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À la semaine prochaine. Chers auditeurs, avant de se quitter, je vous informe de la sortie d'un nouvel ouvrage chez les éditions Contre-culture, un recueil des plus beaux dessins de Bluge, le fameux dessinateur des dessins de la semaine. Bluge, dessin d'actualité 2006-2016. C'est chez Contre-culture, 79 pages pour 19 euros. N'hésitez pas à le précommander sur www.contreculture.com. Du côté d'égalité et réconciliation, Adrien Sajou, l'auteur du livre Sociologie du gamer chez Contre-culture, donnera une conférence le dimanche 21 mai à Dijon intitulée Jeux vidéo, joueurs et sociétés de consommation, de la crise du capital au virtuel intégral. N'hésitez pas à vous inscrire à l'adresse conf.er.dijon@gmail.com. Nos camarades de Dijon vous attendent nombreux. N'hésitez pas non plus, chers auditeurs, à vous inscrire au tour anniversaire ER, tournée qui se déroule à travers toute la France pour fêter les 10 ans de l'association Égalité et Réconciliation. L'occasion de rencontrer Alain Soral, les auteurs contre-culture, les sympathisants, dans une ambiance festive. Les prochaines villes qui accueilleront le tour sont Lille, Lyon, Le Havre, Nantes, Strasbourg, Mulhouse et enfin Paris. Tous les renseignements se trouvent sur le site www.e-r.fr. Quant à nous, chers auditeurs, nous allons nous quitter en musique sur les notes de Siren. Son album Iter Animae est disponible sur www.contreculture.com. Nous allons écouter Alpha Centauri. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.